Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce générique et ça fait bien plaisir de le réécouter. Bienvenue dans votre case du week-end qui commence maintenant. Bonne année à tous, meilleurs vœux comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un très beau programme. Comme chaque jour, nous sommes ensemble jusqu'à midi avec les actus du numérique. Nous allons tout d'abord parler, je ne sais même plus, tiens, je voulais utiliser ma mémoire. Sauf que ma mémoire, je n'en ai pas. Dans les actus du numérique, nous allons parler normalement dans un peu plus d'une heure de l'arrêt d'Adobe Flash Player. Et puis je ne sais même, ça va plus moi. Pourtant j'ai le programme écrit. On va parler économie comme à chaque fois. Dis donc, ça commence bien. Oh là là, c'est super. Alors je reprends donc dans cette émission. Nous allons parler économie avec nos deux chroniques aujourd'hui, l'économie et Dominique Bayard. Nous allons parler un petit peu du Brexit et voir un petit peu ce que ça donne du côté de la City de Londres. Et puis nous parlerons également du bilan de l'année 2020 qui n'a pas été si mauvaise du côté des bourses, notamment la bourse américaine. Dominique Bayard nous expliquera tout. Voilà, du côté des actus des médias, nous ferons un petit point sur la première semaine des nouveaux JT de 13h de TF1 et de France 2. Un très beau programme comme d'habitude et qui sera bien sûr ponctué d'un petit peu de musique, à commencer par Terre Noire dans quelques minutes. Je suis un peu rouillé. Terre Noire arrive tout comme David Bowie. Un petit David Bowie, ça va nous faire du bien. Et puis il y aura un classique musical avec Boyzone, Picture of You. Boyzone Picture of You, ça arrive juste avant 11h, donc vous voyez, c'est dans la prochaine heure. Et pour l'instant, pour commencer, il y aura l'éphéméride dans 3 minutes, juste après Fatboy Slim, tout de suite sur Radio Antigone. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now. Funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. About now. About now. The Rockefeller Shank, c'était Fatboy Slim à l'instant sur Radio Antigone. Et comme tous les week-ends, nous commençons cette émission avec l'éphéméride. Avec l'horoscope, bien sûr. Ah là là là là, super. Donc c'est bien sûr l'horoscope. Et nous commençons par les béliers. Les béliers, votre intuition et votre lucidité seront renforcées. Vous serez donc très brillant et vous réussirez en un tour de main une affaire en or. Ça, c'était du côté financier. On passe du côté des taureaux à présent. Essayez sérieusement de mettre un frein à votre perpétuelle agitation. Recherchez le calme et la pondération, condition indispensable à votre réussite. Pensez également à retenir vos paroles vives, agressives et désagréables. Les gémeaux, en couple, la vie sera plutôt facile et détendue. Si votre conjoint et vous êtes passés par quelques mises au point, vous apprécierez de vous retrouver au calme. Calme qui devrait durer. Les cancers, votre situation financière devrait être stable et saine. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes endetté par exemple, mettez de l'ordre dans vos affaires en prenant par exemple rendez-vous avec votre banquier. Les lions, eh bien, vous éprouverez un regain d'énergie qui agira sur votre bonne humeur et sur celle des autres. Quel bonheur! Les vierges, eh bien, les vierges. Vous allez, oui, pour la plupart d'entre vous, tout se passera bien en famille. Vos proches vont également être en bonne forme et les plus âgés vont s'occuper des plus jeunes. Les balances, attention, danger dans votre couple. Même si vous êtes foncièrement fidèle et constant dans vos amours, vous serez soumis à une puissante tentation d'ordre purement physique. Les scorpions, vous allez entrer dans une période compliquée du côté de vos finances. Soyez donc prudent. Les Sagittaires, en couple, ce sera comme au premier jour, complicité, tendresse et preuve d'amour. Les Capricornes, eh bien, vous allez être en pleine forme, bel équilibre et belle vitalité. Si vous souffrez d'une maladie longue ou chronique, vous pourriez être amené à guérir ou à trouver un traitement mieux adapté. Les Verseaux, vous déborderez d'énergie, mais attention, il va falloir canaliser cette énergie pour qu'elle ne se retourne pas contre vous. Et on termine que par les Poissons. Les Poissons, en couple, votre conjoint sera surmené et les motifs de querelle ne manqueront pas. Célibataire, ce sera une journée de remise en question en amour pour vous. Voilà pour les poissons, et voilà également pour votre horoscope que j'ai encore failli appeler éphéméride, bien sûr. Le titre actuel. Et dans quelques instants sur Radio Antigone, eh bien, de quoi allons-nous parler? Eh bien, je ne sais pas. Si, on va parler économie, comme d'habitude, avec Dominique Bayard, juste après Terre Noire. Mon âme sera vraiment belle pour toi. Mon amour est un infini de pourquoi. Je vois des soleils voler au-dessus de moi. Je vois bien que c'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. J'ai jamais su bien lire les astres du futur. Alors je te dis ces choses, ce mot dont je suis sûr. Mon amour, tes coups d'éclat, tes quelques coups de clé ont pu me desserrer, enfin libérer le cœur. Être au cœur avec ce que je ressens, avec ce que tu es. J'suis tout le temps intéressé par les choses que tu me fais. Genre, d'hiver à l'envers. Mon âme sera vraiment belle pour toi. De pourquoi partie du monde te remplit plus que moi. Est-ce qu'on sera team divorce ou pas? Est-ce qu'on se donnera de la force ou quoi? Est-ce qu'il faudra souffrir pour se tomber dans les bras? Est-ce qu'il faudra retenir nos kamehameha? Et faire encore une fois l'été à l'endroit. Bien, c'est l'amour, en tout cas ça y semble. Vous êtes sur Radio Antigone avec Terre Noire à l'instant. Mon âme sera vraiment belle pour toi. Aujourd'hui, l'économie. Et on parle économie. Et pour commencer cette année 2021, je vous propose tout d'abord de faire un petit récapitulatif de l'année qui vient de s'écouter. Dominique Bayard, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Il faut savoir que la bourse américaine a terminé l'année 2021 en pleine euphorie, comme la plupart des autres places financières. Pourtant, 2020 n'a pas été un long fleuve tranquille, Dominique. Oui, une année hors norme, incroyable, qui ne ressemble en rien aux précédentes. Depuis le 1er janvier, le marché américain joue aux montagnes russes. Après un début d'année optimiste, porté par la trêve commerciale trouvée entre Pékin et Washington, la bourse a subitement plongé en février, perdant près de 40% de sa valeur en un mois après l'annonce du confinement, pour rebondir de plus belle dès l'été, comme si le Covid et la crise économique avaient déjà disparu. Jamais la bourse n'a connu un redressement aussi rapide. Et une fois encore, comme après la crise financière de 2008, c'est grâce à la réserve fédérale. En rachetant massivement de la dette pour soutenir l'économie, en maintenant les taux proches de zéro, la Banque centrale américaine, suivie par toutes ses homologues, a fait disparaître le risque de faillite, de quoi calmer instantanément les marchés et même de quoi propulser leur activité. Une bourse euphorique donc, mais déconnectée de l'économie réelle en pleine crise. Oui, avec la paralysie des échanges, le chômage, le pétrole qui boit la tasse, tout ça fait aussi des perdants à Wall Street. Les actions des majors, des compagnies aériennes ou des casinos s'écroulent, mais cela n'apparaît pas dans le tableau de bord de l'indice américain. Leur déroute est occultée par la progression spectaculaire des GAFA, les poids lourds de la bourse américaine devenus indispensables dans la vie des confinés. Ces 5 entreprises du net représentent à elle seule 25% de l'indice agrégeant les 500 premières sociétés américaines et leur cote a littéralement explosé, plus 70% pour Amazon, plus 80% pour Apple. La vigueur de cette tendance haussière est aussi alimentée par la spéculation frénétique des particuliers. Désœuvrés, ils se sont mis à boursicoter. C'est un phénomène mondial qu'on observe aussi bien aux États-Unis qu'en Inde ou en Europe. Au lieu de consommer, on investit son épargne qui ne rapporte plus rien en Occident puisque les taux sont proches de zéro. Et Dominique, les bonnes nouvelles du côté de la santé, pardon, sont également bien fêtées du côté de la bourse. Avec la découverte des vaccins, le cours des biotech et des labos s'envole. Il y a aussi les bonnes nouvelles politiques. La victoire de Joe Biden aux États-Unis, un accord commercial in extremis pour sceller le Brexit en Europe. C'est donc la perspective d'un climat plus ouvert aux échanges. Cela rassure et les bourses terminent l'année en fanfare. Le Dow Jones a franchi un nouveau sommet en novembre, dépassant le cap des 30 000 points. Et d'autres bourses enregistrent des records historiques. Tokyo, par exemple, renoue avec un pic jamais atteint depuis 30 printemps. Les bourses européennes sont plus lentes à récupérer, mais elles aussi terminent l'année en beauté. Et est-ce que cette spirale positive va se poursuivre cette année ? Alors à la bourse, il n'y a pas de mouvement éternel, perpétuel. Le marché finira par baisser. Mais difficile aujourd'hui de trouver un indice annonciateur pour 2021. La Banque des règlements internationaux, le gendarme des banques centrales, prévient que les faillites qui se profilent pourraient retourner brutalement la tendance. On est encore au conditionnel. Les experts financiers de leur côté scrutent les données historiques. Et ils trouvent que cette année 2020 ressemble furieusement à 1999, l'année où s'est formée la bulle Internet, une bulle qui a fini par éclater. Merci beaucoup Dominique. Dominique Bayard de la rédaction économique de RFI, et dans une heure, tout pile, nous parlerons des conséquences du Brexit du côté de la City, la fameuse place, le fameux quartier de bureaux et de Londres. Oula, c'était dur ça comme intro. Tout de suite, avant de faire un nouveau point sur l'actualité à 10h30, voici Junior Senior avec Move Your Feet sur Radio Antigone. Bienvenue. Senior, c'était Mob Your Feet à l'instant sur Radio Antigone, la radio à vif avec la case du week-end qui continue jusqu'à midi. Radio Antigone. Excellente matinée à notre écoute, les actus du numérique dans quelques instants, il est 10h30. Radio Antigone, la radio à vif. Oui, excellente matinée à notre écoute, voilà. C'est ce que j'ai dit, bien sûr, et ça ira dans le bêtisier de fin d'année. J'ai de la chance, tout le monde l'aura oublié, puisque nous sommes en plein début de l'année. C'est 10h30, l'heure de faire un nouveau point sur toute l'actualité, et c'est avec la rédaction. Bonjour. Bonjour à tous. Face au coronavirus, d'ici demain, des décisions devraient être prises sur l'extension possible à 10 nouveaux départements du couvre-feu dès 18h. Il est déjà en vigueur, pour rappel, dans 15 autres depuis une semaine. En parallèle, la campagne vaccinale accélère en France. 80 000 personnes ont reçu à ce jour une dose du vaccin Pfizer-BioNTech, dont 36 000 rien qu'hier. De son côté, la Haute Autorité de Santé vient d'approuver le vaccin anti-Covid de Moderna. Il s'agit donc du deuxième vaccin autorisés dans l'Hexagone. Et puis une autre mesure inédite pour ralentir les contaminations, dès demain dimanche, vous allez pouvoir vous prescrire un arrêt de travail automatique sur le site de votre caisse d'assurance maladie, et ce dès qu'apparaissent des symptômes s'apparentant à ceux du coronavirus. Cette mesure va permettre de simplifier la procédure pour obtenir cet arrêt de travail sans avis médical, mais dans les 2 jours suivant la déclaration, la personne concernée doit s'engager à réaliser un test. Côté chiffres, sur les dernières 24 heures en France, près de 20 000 nouveaux cas ont été détectés. Le taux de positivité est toujours en hausse à 6%. Ailleurs sur le globe, les États-Unis ont enregistré hier un nouveau record de contamination au Covid, près de 290 000 cas recensés en 24 heures. Les États-Unis demeurent toujours le pays le plus touché, avec près de 375 000 morts et plus de 22 millions de cas officiellement déclarés. Outre-Atlantique toujours, Donald Trump est désormais privé de l'un de ses outils de communication préférés. Twitter a en effet suspendu indéfiniment le compte de Donald Trump après les violences au Capitole. Facebook, Snapchat ou encore Twitch en ont fait de même. Et puis un mot de sport, Alexis Pinturo a brillé en Suisse. Le skieur français a écrasé la concurrence sur le slalom géant. En tête après la première manche, il a survolé la seconde. C'est sa 32e victoire en carrière. Il caracole en tête du classement général de la Coupe du Monde. Merci à la rédaction pour ce point sur l'actualité. Bravo à Alexis Pinturo. On reparlera du sport tout à l'heure à 11h45 puisqu'il y aura les actus du sport. Et je viens d'apprendre que Donald Trump avait une chaîne Twitch. Voilà, bon bah d'accord. Hein. Oui, je ne sais pas ce qu'il faisait dessus. Il retransmettait sûrement ce discours. Je ne sais pas, je ne savais pas en tout cas. 10h33 sur Radio Antigone. Voici la météo. La météo avec tout d'abord cette vigilance jaune et vigilance orange sur toute la Corse. Vigilance orange avalanche sur la Corse. Soyez donc prudents avec un épisode froid particulièrement sur le massif central, une partie des Alpes ainsi que sur le Poitou-Charentes jusqu'au Limousin. Neige en pleine sur le sud de l'Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine et donc des risques d'avalanche en Corse. Soyez prudents. Neige verglas également, vigilance jaune, neige verglas du côté de toute la partie nord de la France. Donc soyez bien sûr prudents. Du côté de la météo en général, c'est plutôt beau, hein, avec du soleil sur la majeure partie de la France. Quelques pluies du côté de Perpignan et un petit peu plus à l'ouest. Quelques flocons sont prévus à Tarbes ainsi qu'à Toulouse. Sinon, du soleil avec quelques nuages, notamment du côté de Belfort, Bourges, Limoges ou Reims. Les températures ne dépasseront pas les 4 degrés sur une majeure partie de la France, hormis du côté de la pointe bretonne, du côté de Brest où il pourra faire jusqu'à 5 degrés avec un très grand soleil, ou du côté de Cherbourg où les températures vont pouvoir monter cet après-midi jusqu'à 7 degrés. Demain matin, ça va rester un petit peu comme ça, avec des températures bien froides. Moins 4 degrés à Vichy, moins 3 degrés à Belfort, moins 2 degrés à Auxerre, moins 20 degrés à Reims. Et dans l'après-midi, ça va monter, mais on va rester sur la même tendance qu'aujourd'hui. Et voilà pour votre météo qui revient tout à l'heure à 11h. Radio Antigone, tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et oui, c'est déjà la deuxième demi-heure de la case du week-end. Merci d'être à l'écoute de Radio Antigone avec dans quelques instants les actus du numérique. Voilà, les actus du numérique qui sont là, elles sont prêtes. Je vous parle donc de numérique qui est dans 4 minutes environ. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? On va parler médias, bien sûr, avec le bilan de la première semaine des nouveaux JT de 13h de France 2 et de TF1. Quels sont nos bilans d'audience? Est-ce qu'on reste sur la même tendance? TF1 premier, France 2 deuxième. Je vous dis tout ça juste avant 11h. Et puis il y aura bien sûr également votre éphéméride ainsi que de la très bonne musique. Dans quelques instants, nous allons par exemple écouter Bull avec Paradise. I'm gonna win it all and by the road. My baby, all I can say to you, I'm gonna try it to paradise. Try it, I don't know. titre tout récent, tout neuf, tout frais que l'on écoute dans 3 minutes. Et puis juste avant 11h, il y aura Boyzone. Picture of You, c'est le titre de ce, c'est le titre de ce titre de Boyzone. J'aime bien me répéter. Et pour l'instant sur Radio Antigone, on écoute David Bowie avec Life on Mars sur dans la case du week-end. Her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the is their life on Mars. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the David Bowie sur Radio Antigone. Life on Mars, c'est une question, il y a un point d'interrogation. Donc Life on Mars sur dans la case du week-end. Il est 10h40, c'est l'heure des actus du numérique. Radio Antigone, les actus du numérique. Et avec la disparition d'un jeu dans les actus du numérique aujourd'hui, un jeu, un dérivé du fameux Minecraft sorti en 2011, l'année dernière, même un peu plus de l'année dernière, fin 2019, Mojang et Microsoft, les développeurs et propriétaires de Minecraft, avaient lancé un nouveau jeu, Minecraft Earth, très proche du concept de jeu de Pokémon Go. Le principe est tout simplement de jouer à Minecraft tout en étant dans le monde réel, en se déplaçant donc dans les rues Eh bien, le démarrage avait déjà été compliqué pour ce jeu et Microsoft a annoncé cette semaine l'arrêt du jeu pour cause, la raison est tout simplement le confinement. Et oui, en raison du confinement, eh bien, plus personne ne se déplace dans les rues et donc ben il est impossible ou presque de jouer à Minecraft Earth. Le concept Minecraft Earth avait été pensé autour de la liberté de mouvement et du jeu collaboratif, des choses qui sont rendues quasiment impossibles au vu de la situation sanitaire actuelle. Le jeu contenait également une expérience de réalité augmentée qui fonctionnait avec notamment la caméra, qui permettait de construire des choses dans la rue, dans toutes les rues, dans tout l'espace de jeu, qui était donc le monde entier. Contrairement à Pokémon Go, le jeu n'a pas réussi à se réinventer. Pokémon Go a repensé les mécaniques de gameplay. Pokémon Go, qui est donc très proche de Minecraft, je vous l'ai dit, qui a même réussi à générer un chiffre d'affaires record en 2020, selon le cabinet Sensor Tower. En tout cas, pour Minecraft, ce n'est donc pas le cas. Dès le 30 juin, le jeu sera donc arrêté. Et en attendant, les transactions impliquant de l'argent réels sont suspendus, les coûts en rubis sont réduits, les contenus qui étaient prévus dans les semaines à venir sont directement ajoutés, le temps pour l'artisanat et la fusion est réduit, et puis l'ensemble des objets est donné pour les créateurs. Une grosse désillusion hein, pour Microsoft qui avait tenté de réinventer le jeu Minecraft en créant un dérivé. Malheureusement, c'est raté. À voir s'ils ont d'autres projets qui fonctionneront peut-être en tout cas, peut-être mieux. C'est donc la fin pour Minecraft Earth. 10h43 sur Radio Antigone. Voici le titre actuel. Le titre actuel. Un titre tout récent, voilà, et là c'est mon petit coup de cœur du moment que l'on va s'écouter sur Radio Antigone, juste avant l'éphéméride et les actus des médias. Voici Bull avec leur titre Paradise sur Radio Antigone. I've been through all despair, but day after day still working. No one's gonna give you a break. It's all right where you're standing. And I have to make it alright. I'm gonna feel alright and just make it better over. I'm gonna make it alright. I'm gonna tell her I give a try. Well, I don't know if I'm gonna make it or lose control. If I'm gonna win it or I'm by the road. My baby, all I can say to you, I'm gonna try it to paradise. Try it, I know, no. Try it, I know, no. Make it wrong, make it right. Anyway, I'm gonna get for the ride. And I've been through all this there. But day after day, since standing. Well, I don't know. Bol ou Bulle avec Paradise à l'instant sur Radio Antigone. 10h46, voici votre éphéméride. Qui ne démarre pas. Voici donc l'éphéméride. L'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le samedi 9 janvier 2021, le 9e jour de l'année. Bon, c'est pas compliqué à calculer. Oui, je vous l'avoue. C'est aujourd'hui l'anniversaire de la chanteuse belge Lara Fabian, qui a 50 ans aujourd'hui. Pour information, sachez que son nom de naissance, son vrai nom, est Lara Sophie Ketty Crockert. Voilà. Pas beaucoup d'événements hein, qui se sont déroulés un 9 janvier à part la semaine de 3 jours qui avait été instaurée au Royaume-Uni en 1974 pour contrer en réponse à la grève des mineurs et la situation désespérée de l'économie nationale. Et puis quand même voilà, il y a vraiment pas grand-chose d'autre. Et encore, pour trouver cette semaine de 3 jours, je suis allé sur j'ai cherché des événements du 7 janvier, vous voyez, du jour où il n'y a pas de case du week-end, parce que je n'ai strictement rien trouvé en événement intéressant que je pouvais évoquer pour cette éphéméride. Donc vraiment pas grand-chose. Si peut-être les saints du jour, voilà, que je devrais normalement vous avoir. Bonne fête aux Alix, aux Adrien, ainsi qu'aux Alice. Voilà. Il y a vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si, allez, le roi d'Espagne Philippe V qui a déclaré la guerre à la France en 1719, et c'était donc un 9 janvier, voilà. Pas d'autres événements importants pour cette éphéméride du samedi 9 janvier 2021. Bonne journée à tous et bon anniversaire si vous êtes né un 9 janvier, bien sûr. Le classique de la case du week-end. Avant de parler médias dans quelques minutes et de faire un nouveau point sur l'actualité à 11h, on écoute un classique musical, un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Voici Boyzone avec Picture of You. Bonne matinée à l'écoute de Radio Antigone, la case du week-end jusqu'à midi. Just to find the friend that was there. Boyzone, Picture of You à l'instant sur Radio Antigone, 10h52. On parle de médias tout de suite. Radio Antigone, la case des médias. Et c'était la première semaine des nouveaux journaux télévisés de 13h de France 2 et de TF1. Changement de présentateur depuis la décision de Jean-Pierre Pernaut de partir à la retraite fin décembre. Il a présenté son dernier journal juste avant les vacances, remplacé par Marie-Sophie Lacaro, elle-même venue du journal de 13h de France 2. Il fallait donc choisir une nouvelle personne pour le journal de France 2. Le journal de 13h de France 2, c'est Julien Bugier qui a été choisi. C'était donc deux nouveaux journaux, du côté des deux chaînes, ce qui nous permet de faire après une semaine un petit point sur les audiences, comment s'est passée cette première semaine, quel est le bilan de ces changements de présentateurs, du changement de ligne éditoriale aussi, surtout pour France 2, puisque Julien Bugier a décidé de raconter la France qui se retrousse les manches et trouve des solutions. Une ligne éditoriale donc plus proche de celle de TF1 et qui a plu, tout comme bien le présentateur, puisque les audiences ont quelque peu augmenté en ces premiers jours. Julien Bugier qui a donc fait de plutôt bons scores en cette première semaine avec un journal plébiscité par 2,96 millions de fidèles. Ça c'était hier normalement. Non, ça c'était pas hier. Qu'est-ce que je dis ? Je vais retrouver la bonne chose, voilà. Ça va le faire. Je suis là. Je reprends donc tranquillement. Alors, du côté de Julien Bugier, 2,92 millions de téléspectateurs, c'est à peu près la moyenne. Pour cette semaine, 21,9% du public, avec une petite baisse sur les deux derniers jours de la semaine, tandis que Marie-Sophie Lacaro, elle a baissé dès le troisième journal, avec une petite remontée en fin de semaine. Toujours des audiences excellentes du côté de TF1, avec 5,67 millions de Français pour le journal de mercredi, une part de marché qui est tout de même de 43,1% et 33,5% du côté des CSP+, et un tiers des 25-49 ans. Toujours donc un grand écart entre les journaux de TF1 et France 2. Nous permet de voir cette journée, c'est qu'il va falloir attendre avant de voir si cette changement de ligne éditoriale et de présentateur a un réel impact sur les audiences, sur le journal le plus plébiscité à 13h par les Français, puisque pour l'instant on reste à peu près sur la même tendance que sur l'ancienne version, le journal de 13h avec Jean-Pierre Pernaut et Marie-Sophie Lacaro sur France 2, même si Julien Bugier est plutôt encourageant avec cette nouvelle formule qui est donc plus proche des Français, qui fait penser également au journal de 13h. Il va donc falloir attendre, mais c'est un début prometteur du côté des deux chaînes, notamment du côté de France 2. Dans une heure, je vous parle de France Bleu qui va lancer une nouvelle matinale filmée sur France 3. Voilà, vous savez, l'objectif de France 3 et de France Bleu, c'est d'avoir très prochainement toutes les matinales de France Bleu en direct sur France 3. Je vous en parle donc dans une heure aux alentours de 10h54 avec les deuxièmes actus des médias. Vous êtes sur Radio Antigone, merci beaucoup d'être avec nous. Il est 10h56, dans quelques instants, nous allons faire un nouveau point sur toute l'actualité de ce samedi. Nous allons également parler météo, voilà, et puis on va écouter une vieille publicité avec l'archive pub qui arrive. Il y aura également le Musicator 2000, le programme télé, une nouvelle chronique économique. Ça, c'est ce qui arrive dans la prochaine demi-heure sur la radio à vif. Nous sommes ensemble jusqu'à midi dans la case du week-end. Merci beaucoup de passer votre matinée en notre compagnie. Voici tout de suite Odezen avec son titre Souffle le vent.

pour ce flash. Prochain point sur l'actualité, c'est tout à l'heure à 11h30. Pour l'instant, voici la météo. Bonjour à tous, pas mal de nuages ce samedi matin avec des brouillards du côté de Rouen, d'Amiens et de Lille, un peu de pluie sur la Manche, la Corse et du côté de Perpignan, quelques flocons aussi sur Toulouse, le soleil pour la seconde partie de journée, de la neige sur Tarbes néanmoins, et puis toujours de la pluie pour la Corse et la région de Perpignan, les températures entre moins 8 et 0 degrés le matin, et puis l'après-midi pas plus de 1 degré à Belfort, 3 degrés à Lille et Bourges, 5 degrés à Rennes et à Bordeaux, 8 degrés à Montpellier et 11 à Ajaccio. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et merci d'être avec moi sur Radio Antigone. Merci d'être à l'écoute de Radio Antigone, la case du week-end, en direct jusqu'à midi. Voilà, avec les actus du numérique dans une trentaine de minutes. Nous allons parler de l'arrêt d'un géant du numérique. Non, j'exagère. L'arrêt de quelque chose que tout le monde a déjà au moins utilisé au moins une fois dans sa vie, l'arrêt d'Adobe Flash Player. Et oui, je vous en parle à 11h37, juste avant, et bien avant même. On va parler économie, puisque nous allons aller du côté de Londres et de son quartier des affaires, la City. Et oui, nous allons parler des conséquences du départ de l'Union Européenne du Royaume-Uni. On en parle dans Aujourd'hui l'économie à 11h23. À 11h17, le programme télé, tout ce qui vous attend à la télévision ce soir. Et puis, le Musicator 2000, bien sûr, avec une musique, une découverte musicale diffusée actuellement sur une radio d'un autre pays, et puis que nous allons donc écouter, ce qui va nous permettre de découvrir une bien belle musique, je pense, comme d'habitude. En tout cas, c'est une musique qu'on écoute peu souvent, qu'on n'a jamais entendue, donc c'est toujours sympa, hein, ce Musicator 2000. Je ne sais pas dans quel pays je vais vous emmener, c'est le principe, hein, c'est en direct, on fait tout en direct, comme ça on voit vraiment la musique qui est diffusée à ce moment-là sur la radio dont on vous parle. Niveau musique, parce qu'il y a d'autres choses que nous allons écouter. On aura par exemple tout à l'heure un titre de la playlist de Radio Antigone avec Louis Cole. C'est Where the Part of the Night que nous allons donc écouter dans quelques instants. Puis un titre tout récent, Julia Michaels, Lie Like This. Je vous laisse l'extrait. Bien longtemps. Bien longtemps, vous l'avez compris, pour rattraper mon erreur de prononciation. Et tout à l'heure, juste avant midi, il y aura également. Alors, ce n'était pas ce titre que je. Alors, je vais reprendre parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis arrêté de parler. Nous allons donc écouter, Julia Michaels avec Lie Like This. Voilà, c'est compliqué à prononcer pour quelqu'un qui ne sait pas prononcer l'anglais comme moi. Julia Michaels, donc, tout à l'heure. Et puis, nous écouterons également France Gall avec Elle-là. Si tu l'as. Ce sera le classique de cette case du week-end juste avant midi. Un beau programme musical donc sur Radio Antigone. Pour l'instant, il est 11h06. Voici l'archive pub. L'archive pub. Et non, puisque le jingle suivant se lance. Oui, bravo Enzo, quelle réactivité, quelle magnifique réalisation, tu es fort. Aujourd'hui, je vous ai dit que je vous emmenais en 2009 et je vous propose une publicité tout en musique, pour la boisson Perrier. Puis je vais essayer de vous décrire la publicité, je suis sûr que vous vous en souvenez. Sur cette publicité, ça quand même, c'est quand même mieux avec le micro allumé. Je suis encore un peu rouillé hein, de ces vacances. Sur cette publicité, vous pouviez donc, eh bien, voir un monde qui petit à petit fond, comme s'il faisait très très chaud et que donc tout fondait, tous les objets, tous les bâtiments étaient en train de fondre, se ramollissaient comme un petit peu le tableau avec la montre. Avec les montres, je crois, les horloges, et donc une dame dans ce monde qui rentre chez elle et son but est tout simplement de récupérer, eh bien, la bouteille de Perrier puisque c'est une publicité pour la boisson Perrier et elle finit d'ailleurs par sauter du haut de son appartement pour récupérer la bouteille de Perrier qui est en train de tomber, qui tombe du côté dans la piscine qui est tout en bas et donc elle atterrit dans la piscine pour boire cette bouteille de Perrier qui elle aussi une fois posée sur le sol finit par fondre, hein, par se désintégrer. Bon, j'exagère un peu. Pour information, alors Perrier est une boisson créée en 1903, en tout cas une boisson commercialisée depuis 1903, issue de la source des Bouliens, située à Vergès dans le Gard, à 15 km de Nîmes. La société a été rachetée par Nestlé en 1992. Le groupe contient maintenant Vittel, San Pellegrino et Contrex. Sachez que depuis 2018, l'eau Perrier n'est plus renforcée au gaz de la source, mais avec adjonction de gaz carbonique. Selon l'entreprise, ce changement permet de réduire drastiquement la consommation totale en eau de la production et de réduire donc l'impact écologique de l'entreprise. Il est 11h09 sur Radio Antigone, 11h10 même. Voici le Musicator 2000, qui ne démarre pas. Oui, j'adore. Qui ne démarre toujours pas, le Musicator 2000. S'il te plaît, veux-tu bien venir, le Musicator 2000? Je sais que t'es un petit peu ronchon, parfois, ouais, je le sais. Mais est-ce que tu pourrais, quand même, pour une fois, me faire plaisir et venir un petit peu? Allez, le Musicator 2000. Le Musicator 2000. Eh, hey, vous avez vu? Je lui parle gentiment, ça fonctionne. Ah bah oui, il manquait que ça en fait. Alors là, je vous emmène en Russie aujourd'hui pour le Musicator 2000. Je vous emmène sur Europa Plus. Alors là, je peux pas vous faire la description de la radio puisque c'est écrit en cyrillique et que vous le savez bien, je ne sais déjà pas parler anglais, donc je ne sais pas non plus parler cyrillique. Europa Plus. Heureusement qu'il y a le logo parce que sinon j'aurais déjà pas pu lire le nom de la radio. Europa Plus. Une radio russe donc qui a diffusé Milky Chance, Marouv et qui diffuse actuellement Afex avec que j'essaie de lire Inti Ask, voilà, et que je vous propose donc d'écouter tout de suite dans la case du week-end puisque c'est le principe du Musicator 2000, une découverte musicale d'une musique diffusée actuellement dans une radio, sur une radio d'un autre pays. Si la publicité veut bien ne pas venir, une musique sortie l'année dernière. Ah non, l'année dernière, non, en 2019, donc ça fait 2 ans. Et je m'y fais pas être en 2020. Voici donc Afex avec In The Ask dans le Musicator 2000 de la case du week-end. Yeah. département du coup. Bonjour. C'est déjà terminé, d'accord. Je ne pensais pas que la musique allait être aussi rapide. Vous venez donc d'écouter Inti Ask avec Afex. Ça c'était la version Anzo et Ravarta. Musique diffusée à l'instant sur la radio russe Europa Plus. C'est le principe du Musicator 2000. Le Musicator 2000, donc, bien, qui vient de vous diffuser cette belle musique Europa Plus, qui a actuellement rien que sur le site. C'est rien que sur un site, 802 auditeurs. Ça a l'air d'être une grosse radio russe, radio qui est basée à Moscou et qui diffuse sur le 106.2 pour les intéressés. Si jamais par hasard vous habitez à Moscou, c'est possible. Pourquoi pas? Peut-être que parmi les un auditeur que nous avons sur Radio Antigone, peut-être qu'il y en a un qui écoute en Russie et qui en plus à Moscou et qui peut donc se brancher sur le 106.2. Il est 11h14 sur Radio Antigone. Dans quelques instants, le programme télé, qu'est-ce qui vous attend du côté de la TNT ce soir? Je vous dis tout dans quelques instants. Et nous allons également parler économie et des conséquences du Brexit sur le quartier financier La City de Londres. Pour l'instant, voici Louis Cold, Where the Part of the Night. Between 3 and 6, when my big ideas hit. Green, freeways, green, freeways, creeping fast. In a weird part of the night, yeah. That's the time I feel alright, yeah. All the bullshit goes away, oh yeah. But then it comes back in the day, we'll be right back. Cold, Where to Part of the Night, sur Radio Antigone, dans la case du week-end. Radio Antigone, le programme télé. Et on commence, comme à chaque fois, par TF1, qui reprend la diffusion de Ninja Warrior avec une nouvelle saison, et c'est à partir de 21h05. Sur France 2, un programme inédit, les artistes français dans la fête de la chanson française, présenté par Laurie Tillman, et c'est à partir également de 21h05. Sur France 3, à 21h05, vous avez rendez-vous avec Meurtre à Granville, suivi de la rediffusion de Meurtre en Bourgogne. Sur Canal+, vous pourrez suivre la 19e journée de la Ligue 1 Uber Eats avec le Paris Saint-Germain qui affronte Brest. Sur France 5, Échappée Belle à 20h50. Sur M6, la série inédite Stump Town. Sur Arte, également inédit L'Arche d'Alliance aux origines de la Bible. Le magazine est diffusé à partir de 20h50 et est suivi à 22h25 d'un autre magazine, cette fois sur Pompéi, mais surtout le Pompéi britannique de l'âge de bronze, voilà, si ça vous intéresse. Je ne sais pas si c'est à Pompéi, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Je sais pas ce que je dis, je papote, je radote. Sur C8, le canal 8 de la TNT, comme son nom l'indique, à 21h05, le magazine Animaux à adopter. J'ai eu du mal à adopter. Sur W9, là, comme son nom l'indique également, c'est sur le canal 9 de la TNT, à 21h05, la série inédite, La Petite Histoire de France. Il y a plusieurs épisodes, puisqu'il y en a un autre à 23h, des épisodes assez longs, 1h55 pour le premier et 2h30 pour le deuxième. TMC vous propose une nouvelle fois des rediffusions de Columbo, TFX vous donne rendez-vous avec Chronique Criminelle, sur NRJ12, Modern Family, sur LCP Public Sénat, sur LCP Public Sénat, à 20h59, le magazine Police Illégitime Violence. Sur France 4, le canal 14 de la TNT, comme son nom ne l'indique pas cette fois. À 21h05, le téléfilm Scooby-Doo, La Malédiction du Pilote Fantôme. Sur ses stars, à 21h, la série, le magazine Ghost Adventure, qui parle aujourd'hui du pénitencier de Moonsville. Sur Gulli, le canal 18, Les Aventures du Chapeauté. Suivi, c'est une série inédite, pas suivi, plusieurs épisodes en tout cas des Aventures du Chapeauté inédits. TF1 Série Film, le canal 20, vous propose plusieurs rediffusions de Joséphine Ange Gardien. Sur la chaîne L'Équipe, les qualifications de l'Euro 2020 de Handball France-Serbie. Sur Sister, à 21h05 et toute la soirée, Les Rois de la Réno. Sur RMC Story, Métier hors normes. Sur RMC Découverte, Les Browns Génération Alaska. Et pour terminer, à 21h05, Paul de Dark. Voilà pour votre programme télé. N'oubliez pas que sinon, il y a la radio avec également de très très bons programmes. Et puis si vous avez envie de programmes anxiogènes, n'hésitez pas à aller sur BFM TV, CNews ou encore LCI et France Info. N'hésitez pas, libre à vous. Le titre actuel. Non, mais j'exagère, hein. Ce n'était pas du tout mon avis, voilà. C'était pour mettre une petite pointe d'autodérision dans ce programme télé. Un titre actuel, donc, un titre tout nouveau, voilà, un titre très récent, en tout cas, qui est diffusé actuellement sur toutes les radios françaises, toutes les radios généralistes. Voici Julia Michaels, Les Like This. He says I'm pretty upside down, pretty right side up too. Turn me halfway round. He says I'm emotionally sound, emotionally fucked too. Now I'm all turned around. He says I'm daydreaming about leaving for no reason. Well, I got hay fever from my feelings. Yeah, I don't. Head on your shoulder, you keep pulling me. I'm kinda too upfront, but I'm driving from the backseat, so leave me where you want. He says I'm a little too hard to handle, a little too tough to get to, but beautiful once you break through. Julia Michaels, La Like This, à l'instant sur Radio Antigone. Voici eh bien, la chronique économique, aujourd'hui l'économie. Aujourd'hui l'économie. Et c'est donc l'heure de retrouver une nouvelle fois Dominique Bayard de la rédaction de RFI. Depuis maintenant un peu plus d'une semaine, vous le savez, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union Européenne. Depuis que ce départ avait été annoncé, les Européens rêvaient sur un transfert massif des activités de la City vers le continent. L'exode des services financiers n'a pas eu lieu, mais en ce premier mois du Brexit, les marchés londoniens se posent encore beaucoup de questions sur leur avenir, Dominique. Et pour cause, le dossier a été mis de côté dans les discussions du divorce. Boris Johnson a privilégié la cause des pêcheurs, une cause économiquement négligeable, mais politiquement, électoralement, tellement plus rentable que celle des traders. Pourtant, la finance joue un rôle substantiel dans l'économie britannique. La City, c'est l'une des plus grandes places financières au monde. Parmi la palette de ses services, c'est entre autres le plus grand marché d'échange où l'on achète ou l'on vend des devises. Elle fait travailler plus de 1 million de personnes à Londres. Son chiffre d'affaires représente 7% du produit intérieur brut britannique. Et ses principaux clients sont dans les 27 pays membres de l'Union européenne. C'est pourquoi l'avenir des services financiers britanniques a une importance cruciale des deux côtés de la Manche. Dominique, côté Union européenne, la crainte d'une défaillance des marchés financiers à cause du Brexit. Alors Bruxelles a refusé de concéder le fameux passeport financier qui aurait permis la continuité des activités de la City vers le continent, et elle donne des équivalences au compte-gouttes pour chaque activité selon son bon vouloir. La City pour le moment n'en a obtenu que deux, alors que la bourse de New York dispose d'une vingtaine de ces équivalences. Face à cette intransigeance de Bruxelles, l'autorité britannique des marchés financiers a annoncé que les intervenants de la City pourraient utiliser les plateformes européennes pour le marché des actions qui sont libellées en euros. Et depuis hier, précipitamment, cette autorité a également autorisé le recours aux plateformes européennes pour les swaps. Ce sont des produits financiers qui permettent de jouer sur la différence des taux d'intérêt. La City espère bien sûr trouver un arrangement dans les prochains mois pour effectuer ses transactions sur des places américaines. Derrière cette position très dogmatique, très politique, la Commission européenne est en fait beaucoup plus pragmatique, car les bourses continentales n'ont pour le moment ni les compétences ni les technologies pour assurer un certain nombre de missions indispensables au bon fonctionnement des opérations financières dont peuvent avoir besoin les entreprises européennes. Et sans les équivalents souhaités, quelles seront les conséquences ? Alors, ce sera le début du déclin, peut-être pas aussi vite. Ces activités, c'est vrai, pourraient progressivement migrer vers le continent. Une partie des actifs bancaires ont déjà été transférés vers Francfort. Et si cette hémorragie continue, la City pourrait se vider de sa substance, car les activités financières prospèrent en général là où se trouve l'argent. Alors, pour le moment, seulement 10 000 emplois ont été transférés sur le continent. On ne peut pas dire que les jours de la City sont comptés dans un avenir proche. La place de Londres s'active pour trouver d'autres débouchés dans la finance verte, les fintechs. Elle pourrait aussi déréguler ses marchés pour attirer plus de capitaux, une option qui n'est pas sans risque pour l'économie britannique en cas de surchauffe sur les marchés de crack. Eh bien, plus les volumes d'échanges sont importants, plus les conséquences peuvent être dévastatrices pour l'économie réelle. Merci Dominique. Dominique Bayard de la rédaction de RFI, on vous retrouve demain bien sûr, en sachant que nous n'étions visiblement plus à l'antenne depuis 10h53. Je m'excuse encore une fois pour ce problème technique, je dis encore une fois puisque ça arrive souvent, je ne vois pas du tout pourquoi ça a coupé puisque tout va bien. Tout allait bien, voilà, donc je ne sais pas. En tout cas, ça a coupé. Nous sommes de retour, vous êtes sur Radio Antigone, c'est la case du week-end qui continue bien sûr jusqu'à midi avec dans quelques instants de nouvelles actus du numérique, les actus du sport, les actus des médias et dans moins de 2 minutes, un nouveau point sur toute l'actualité. Ça sera avec la rédaction et il y aura également un point sur la météo. Pour l'instant, voici un extrait de Miles Davis, So What. Le meilleur titre à 11h30. C'était Miles Davis avec So What. Ne vous rendormez pas, il est l'heure de se lever. Hein. Sauf si vous avez travaillé cette nuit, bienvenue sur Radio Antigone. Merci beaucoup d'être à notre écoute dans quelques instants. Eh bien, nous allons écouter les Black Keys. Il y aura également Nathan Dwayne et Little Mix avec No Time for Tears sur Radio Antigone. Ça sera le prochain titre actuel. Radio Antigone. Pour l'instant, et bien les actus du numérique, dans 3 minutes, il est 11h30. Radio Antigone, la radio à vif. Et voici donc un nouveau point sur l'actualité avec le flash de la rédaction. Bonjour. Bonjour à tous. À la une, Météo France vient de placer la Corse en alerte orange avalanche. Les deux départements de l'Île-de-Beauté sont concernés à partir du milieu d'après-midi. Ce fort risque d'avalanche devrait se maintenir jusqu'à demain. Soyez vigilants. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement qui tente de renforcer sa stratégie testée, tracée, isolée et qui accélère donc la campagne vaccinale. En France, hier, 36 000 personnes ont été vaccinées pour un total de 80 000 depuis le coup d'envoi de la campagne. Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé vient d'approuver le vaccin anti-Covid de Moderna. Il s'agit du deuxième vaccin autorisé dans l'Hexagone après celui de Pfizer-BioNTech approuvé, je vous le rappelle, le 24 décembre. Et puis côté chiffres, sur le front de l'épidémie, près de 20 000 nouveaux cas ont été détectés hier en France, bien loin de l'objectif des 5 000 par jour. Résultat, le couvre-feu à 18h devrait être élargi d'ici demain à une dizaine de départements. On apprend également que Brigitte Macron a été testé positif au Covid et c'était le 24 décembre à Brégançon dans le Var. Une information confirmée par l'Elysée. Depuis, elle a été testée négative. À Rennes, 3 personnes ont été mises en examen. Elles sont suspectées d'avoir organisé la rave partie illégale du Nouvel An à Lieuron. Présentée hier au juge d'instruction en charge de l'enquête, le trio a été mis en examen des chefs d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical dans un espace non aménagé. Vous Vous l'avez peut-être remarqué ce matin chez vos marchands de journaux, l'équipe n'est pas disponible aujourd'hui. En cause, un débrayage. Les salariés du groupe protestent contre un plan social qui prévoit la suppression d'une quarantaine d'emplois dans le groupe. Enfin, un mot de sport avec du football et 19e journée de Ligue 1 ce soir à 21h à suivre. Montpellier-Nantes, Metz-Nice, Reims-Saint-Etienne, PSG-Brest, Monaco-Angers, Dijon-Marseille, Lens-Strasbourg, Nîmes-Lille, Rennes-Lyon et Bordeaux-Lorient. Et on en reparle dans les actus du sport dans environ 15 minutes en tout cas. Les actus du sport qui arrivent aux alentours de 11h45. 11h33 pour l'heure et voici la météo. Bonjour à tous, pas mal de nuages ce samedi matin avec des brouillards du côté de Rouen, d'Amiens et de Lille, un peu de pluie sur la Manche, la Corse et du côté de Perpignan, quelques flocons aussi sur Toulouse, le soleil pour la seconde partie de journée, de la neige sur Tarbes néanmoins, et puis toujours de la pluie pour la Corse et la région de Perpignan, les températures entre moins 8 et 0 degrés le matin, et puis l'après-midi pas plus de 1 degré à Belfort, 3 degrés à Lille et Bourges, 5 degrés à Rennes et à Bordeaux, 8 degrés à Montpellier et 11 à Ajaccio. Et attention donc à cette vigilance orange avalanche dans toute la Corse également, dont on vous a parlé tout à l'heure. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et il reste encore 30 minutes à peu près à passer ensemble avec les actus du numérique qui arrivent dans quelques instants. Elles sont prêtes, voilà, j'ai mon texte qui est là, il y a un beau texte. C'est tout prêt, nous allons parler de l'arrêt d'Adobe Flash Player et de ses conséquences sur votre utilisation d'Internet notamment. On en parle donc aux alentours de 11h37, dans 4 minutes, même pas. Les actus du numérique qui arrivent donc. Nous allons parler sport bien sûr, il y a plein de choses dont on doit parler. Il y a du Dakar, il y a de la voile avec le Vendée Globe qui se poursuit. Il y a du football, du biathlon, du ski alpin. Je vais essayer de parler tout ça très rapidement si je n'oublie rien. Très rapidement non, hein. Ça peut quand même durer. Et puis, il y aura également, qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Eh bien, il y aura des actus des médias, avec quelques brèves, et notamment une nouvelle matinale de France Bleu qui arrive sur France 3. Quelle matinale ? Eh bien, pour le savoir, restez jusqu'à midi, puisque ces actus des médias arrivent juste avant midi. Juste avant midi également, eh bien, il y aura France Gall. Ça nous fait toujours du bien de réécouter France Gall. Donc on va s'écouter France Gall dans quelques instants. Là j'ai été fou, j'ai changé d'ordre de mon extrait musical. Notamment, normalement ce n'était pas France Gall qui devait arriver en premier. Mais j'ai annoncé France Gall en premier et eh bien je ne me suis pas trompé. C'est bien France Gall qui est parti. C'est un exploit pour moi. Il y a aussi Nathan Dave qui arrive. He can't kill my back, but the tears gonna fall from my eyes. No doubt the tears are No Time for Tears, Nathan Dave et Little Mix qui arrivent dans quelques minutes juste après les actus du numérique qui, elles, arrivent juste après les Black Keys. Voici Lonely Boyle sur la radio à vif, votre case du week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, bien sûr. Bonne matinée à notre écoute. Well, I'm so up and Les Black Keys, Lonely Boy sur Radio Antigone. Radio Antigone, les actus du numérique. Et aujourd'hui, dans les actus du numérique, nous parlons des conséquences de l'arrêt d'Adobe Flash Player. Alors, qu'est-ce que Adobe Flash Player? Eh bien, c'est un plugin qui permet l'exécution et la lecture des contenus multimédia, notamment, et qui utilisait la technologie Flash. Tout le monde est déjà tombé au moins une fois sur un site qui vous demandait d'activer Flash Player. Eh bien, sachez que depuis le 1er janvier de cette année, ce lecteur n'a plus de support de la part de son développeur et éditeur Adobe. Un arrêt est prévu depuis de nombreuses années, mais qui risque tout de même d'avoir quelques conséquences sur l'utilisation d'Internet et plus précisément des sites web. En effet, même si les grandes entreprises et développeurs ont pu prévoir ce grand chamboulement, certains sites ont encore quelques contenus tournant sous Flash, et ce principalement pour des contenus interactifs un peu vieillots ou certains portfolios aussi qui sont vieillots, musicaux par exemple. Ainsi, dès ce mois-ci, les principaux navigateurs Internet sortiront leur prochaine version sans Flash Player implémenté, ce qui vous empêchera, vous empêchera de lire tous ces contenus. Sachez que Microsoft devrait également très prochainement déployer une mise à jour de son OS qui supprimera définitivement Flash Player des PC des utilisateurs. C'est donc une grande page d'Internet qui se tourne cette année, tant ce module était connu des utilisateurs. Pour finir cette chronique, une petite mise en garde, si vous tombez dans les prochains mois ou les prochaines années sur un site qui vous propose du contenu sous Flash, soyez prudent car la technique présente quelques failles de sécurité, failles qui sont d'ailleurs une des raisons de cet arrêt. 11h41 sur Radio Antigone, on passe à un titre actuel. Le titre actuel. Et le titre actuel, c'est un titre tout récent, diffusé actuellement sur toutes les radios françaises. Voici Nathan Dave et Little Mix, No Time for Tears. I was feeling broken hearted until I pressed restart, yeah. I'm moving on, don't wanna hit rewind. I was there before, but not anymore. Doing fine, yeah. You see, I'm moving on. Nathan Wave, Little Mix, No Time for Tears sur Radio Antigone. Et c'est l'heure des actus du sport, bien sûr. Et nous parlons tout d'abord de ce qu'on appelle maintenant le rallye Red Dakar, l'ancien Paris-Dakar. Et on part de Sébastien Loeb qui continue dans son cauchemar, déjà en difficulté dès la première étape. La suspension est maintenant cassée. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Il a encore écopé d'ailleurs d'une pénalité de 5 minutes hein, mercredi pour un excès de vitesse dans une zone à risque. Jeudi, avec son copilote, il s'était perdu sur le tracé de l'étape. Un nouveau pépin donc, qui l'a obligé à attendre l'arrivée de l'assistance pendant 5 heures. Une attente interminable qui l'a éjecté très loin du top 10 dont il fermait la marche au départ de cette étape. C'est aujourd'hui la journée de repos qui a à point nommé pour cet équipage. Du côté du classement général, du côté des motos, tout d'abord, Toby Price, l'Australien, est pour l'instant premier et il est devant Kevin Benavidez, qui est à 2 secondes et 16, qui est à 2 minutes, pardon, et qui a d'ailleurs écopé une pénalité de 2 minutes, donc qui aurait pu être à seulement 16 secondes de l'Australien sans cette pénalité. Le troisième est le Chilien José Ignacio Cornejo Florimo sur sa Honda. Le premier français, c'est Xavier de Soultré en moto sur sa HT Rally Red Husqvarna Racing. Il est cinquième à à 3 minutes et 41 secondes. Partons maintenant du côté des quads, du côté des quads basiques, parce qu'il y a plein de catégories dans le Dakar. C'est compliqué de faire un résumé du classement. Le premier est un Argentin, Nicolas Gaviglacio, sur sa Dragon Rally, et il devance de 33 minutes son compatriote Manuel Andouvar. Le troisième, c'est un Français, c'est Alexandre Giroux, qui est lui à 45 minutes sur son quad Team Giroux. En auto, du côté des voitures, Stéphane Peterhansel. Oh là là, j'arrive même pas à prononcer ça. Je vais reprendre. J'ai pas trop de souffle, donc j'ai du mal à prononcer. En voiture, c'est Stéphane Peterhansel qui est pour l'instant premier et qui mène donc cette course. 5 minutes et 53 secondes d'avance sur Nasser Al-Attiyah, qui est de nationalité. Ça va peu, mais ça ne va pas. Mais les actus du sport, c'est de pire en pire en fait. C'était déjà catastrophique dès le début, mais c'est de pire en pire. C'est Nasser Al-Attiyah qui est deuxième à 5 minutes et 53 secondes. Le troisième est Carlos Sainz, l'Espagnol, sur sa Mini, à déjà 40 minutes. Il y a donc dès la troisième place de gros écarts. Et puis si on passe du côté du Polonais Jakub Prinsgonski sur sa Orlen Team Overdrive, qui est donc quatrième, il est déjà à 1h et 11 minutes, et puis après, c'est 1h36 minutes, 1h50, 2h05, vous voyez, ça va vite très très loin. Le premier français, est très loin, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Le premier français, c'est Christian Laveille qui est 11e. Alors, c'est pas très loin, mais au niveau du temps, il est tout de même à 2h51 minutes. Il est suivi d'un autre français, Jérôme Pellichet, sur sa Red Lynx, qui est lui à 2h58 minutes. Il est donc 12e. Rapidement, on passe du côté des camions. Le leader de l'équipage camion est un Russe, Dimitri Stonikov, avec Ruslan Akhamedev et Ilgis Akemes Zianov. Voilà, tout à l'heure nous étions avec une radio russe dans le Musicator 2000. Maintenant, ce sont des pilotes russes avec des noms bien compliqués à prononcer. Pour moi, qui suis bien français et qui ne sait de toute façon déjà pas parler anglais, donc vous comprenez, je vous l'ai dit tout à l'heure, le russe c'est un peu compliqué. Alors, du côté du ski alpin, on en a parlé tout à l'heure, une belle deuxième manche du côté du slalom géant d'Adèle Bodden, c'est Alexis Pinturo qui a décroché sa 32e victoire en carrière, en signant donc le meilleur temps de cette deuxième manche de ce slalom géant. Voilà, donc c'est donc une très belle performance pour le français. Est-ce que je peux par hasard avoir le classement général? Eh bien, visiblement, je ne l'ai pas. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas, le classement général? Je croyais me l'avoir affiché. D'accord, eh bien, je n'ai pas le classement général. Ce n'est rien, on va passer du côté de la voile et du Vendée Globe. On arrive à la fin de ce Vendée Globe, puisque pour les premiers, les trois quarts du parcours ont déjà été effectués. C'est toujours Yannick Bestaven qui est premier de ce Vendée Globe, avec 42 kilomètres. Qu'est-ce que c'est que ce bazar qui a 40... Mais je sais pas ce que je dis. Attendez, il faut que je retrouve le... Je n'ai plus les bonnes données. Qui est à 42 km de Charles Dalin, le deuxième. Le troisième, c'est Thomas Ruyant, qui est lui à 147 km. Le troisième sur le classement, c'est Damien Seguin, suivi de Louis Burton et de Benjamin Dutreux, qui eh bien, a gagné une place sur Jean Le Cam, qui est un petit peu en difficulté sur cette fin de parcours. On passe du côté de la Ligue 1 avec plusieurs matchs. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est la 19e journée de Ligue 1. Le tout début de cette journée, Montpellier qui va affronter Nantes. Metz joue contre Nice à 21h. Reims va jouer contre Saint-Étienne. Le Paris Saint-Germain affronte Brest à 21h également. Monaco va jouer contre Angers à la même heure. Dijon-Marseille, c'est également prévu. Lens-Strasbourg, Nîmes-Lille, Rennes-Lyon et Bordeaux-Lorient. Tous les matchs sont prévus aujourd'hui à 21h, tous en même temps. Allez, ils nous ont fait une journée de béton, hein, tout en même temps. Tout le samedi, ils se sont dit, on aime bien le samedi 9 janvier, on fait tout en même temps à 21h parce qu'on aime bien 21h aussi. Et donc, tous ces matchs sont donc aujourd'hui. On passe du côté du biathlon. Et oui, le biathlon avec le sprint femme qui s'est déroulé hier. Et c'est Thierry Lekhoff, la Norvégienne, qui a gagné devant Anna Åberg, la Suédoise. Suivie de Laura Teresa Hauser, l'Autrichienne, troisième à plus de 40 secondes. La première française, c'est Julia Simon, qui est quatrième au pied du podium, malheureusement. Deux pénalités lors du premier tir. Elle est à 44 secondes, ce qui fait qu'elle partira eh bien, à 44 secondes et quatrième pour la poursuite qui va démarrer à 12h45 aujourd'hui. Je vous rappelle que l'on reprend les écarts de ce sprint. Les autres françaises vont partir un peu plus loin, puisque Justine Breza-Boucher est 9e à l'issue de la course d'hier et partira à 1 minute et 9 secondes, suivie d'Anaïs Chevalier-Boucher, elle-même 10e, et qui partira à 1 minute 9 secondes également. Anaïs Bescon est 1 seconde après, elle est 12e, elle partira à 1 minute et 10 secondes. Du côté des hommes, eh bien, les frères Beu ont fait un doublé hier, puisqu'ils ont été les deux premiers de la course. Johannes a gagné, suivi de son frère Beu, deuxième à 10 secondes. Un autre Norvégien termine le podium à 21 secondes et 6 centièmes. C'est Lygoid qui a donc terminé troisième. Le premier français, c'est Simon Destieux. C'est étonnant, c'est rare que ça soit pour lui le premier français cette année. Donc ça veut dire qu'il fait son grand retour en quelque sorte. Bravo à lui, il a terminé septième à 54 secondes devant Fabien Claude à 56 secondes. Émilien Jacquelin est lui 14e à 1 minute 08. Tandis que Antonin Guigona est à 1 minute 27. Voilà pour ce point sur le biathlon. Du côté des hommes, la poursuite est prévue à 14h45 aujourd'hui. Et puis demain, on aura des relais. Voilà, des relais demain, deux sortes de relais. Je vous en reparle lors des actus du sport de demain. Des actus du sport qui ont été bien longues, je trouve. Elles ont duré 10 minutes avec un petit peu de bégaiement, un petit peu de recherche de données, un petit peu de données fausses. Ce sont les actus du sport de la case du week-end. Vous commencez à en avoir l'habitude et c'est ça qu'on aime, mais oui. Le classique de la case du week-end. Et ce que l'on aime aussi dans la case du week-end, c'est réécouter des titres que nous avons tous déjà entendus au moins une fois dans notre vie, et des titres que l'on adore tous, que l'on aime tous, oui. Et aujourd'hui, je vous propose de repartir en 1987 du côté de l'album Babacar de France Gall. Voici Ella, Ella, tout de suite dans la case du week-end, avant de parler médias. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix. Comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs, quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Ella, Ella sur Radio Antigone. Merci d'être avec nous dans la case du week-end qui continue et qui se termine avec la case des médias. Radio Antigone. La case des médias. Et je vous l'ai dit, nous parlons de France Bleu qui va lancer une nouvelle matinale sur France 3. Il s'agit cette fois de la matinale de Limousin, France Bleu Limousin matin, et qui sera diffusée à partir du 12 janvier sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Vous le savez, depuis plus d'un an maintenant, petit à petit, les matinales de France Bleu s'exportent le matin sur France 3. Alors pas dans sa totalité. Mais une partie de la matinale est donc diffusée, et celle de France 3 Nouvelle-Aquitaine, de Nouvelle-Aquitaine et de France 3 France Bleu Limousin, pardon, sera diffusée de 7h à 8h40 à partir donc du 12 janvier. Une matinale qui sera bien sûr je vais y arriver. Je suis là. Une matinale qui sera donc ponctuée d'infos locales toutes les 15 minutes, de points météo réguliers et d'interactivité. Au programme notamment, à 16h16, vous aurez la rubrique La Nouvelle Écho, La Minute de l'Emploi, Limousin du bout du monde, les, cir- circuit court de France Bleu Limousin. À 8h15, l'invité de France Bleu Limousin. À 8h23, côté culture, comptez sur nous. Et puis 100% club à 8h32. France Bleu Limousin, la 12e station locale à voir sa matinale filmée et diffusée sur France 3. Lancer cette matinale, les journalistes seront Fabienne Joagneau, Pascal Samsamarto et Jean-Claude Boulestek pour le vendredi. La matinale sera donc diffusée dès le 12 janvier sur France Bleu, sur l'application France Bleu, en live et en replay sur France Bleu Limousin et en direct sur la TNT et sur les box France 3 Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour ces actus des médias. Merci d'avoir suivi cette case du week-end et je vous dis à très bientôt. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.